Chapitre 29. Une nuit, je m'éveillai et me mis à réfléchir. Oui, pardieu, pourquoi fallait-il justement que j'aie jeté les yeux sur Yvonne, qui se retranchait derrière sa virginité comme derrière des plaques de blindage de 6 pouces? Pourquoi justement était-elle autrement que les filles de Lille qui faisaient peu de façon? Eh bien, j'irai te trouver, Yvonne, et je te mettrai les points sur les i, je te dirai ce que je pense et ce que je veux, et tu me répondras. Je me levai. Oh non, je n'avais nullement envie de manger dans la main du destin. Mais il faisait encore nuit, une fente claire baillait à l'est, il était 4 heures du matin. Dans la matinée, je me mis en route pour Créoche. Mais Kedril arriva en brandissant une dépêche. 3 bâtiments russes et des vaisseaux de guerre qui voulaient aller à Brest. Il y avait une belle somme d'argent à gagner et 20 pilotes de la côte et des îles se mettaient en quête. Nous allions naturellement palper cet argent, Kedril et moi. Avant le départ, nous bûmes chez Chiquel. Tout le village s'enivra d'émotion. La grosse galette, Dieu m'assiste, toutes les misères allaient finir. Cela ne faisait plus l'ombre d'un doute, c'était à nous que les Russes appartenaient. 1 pilote. Ah ah, largué. Mais toi, Yvonne, tu restes ici, je te retrouverai. Il était plus que clair que les cuirassés allaient se diriger sur le feu de Créoche. Et c'est sur cette hypothèse que nous basâmes nos opérations. Mais on ne peut vraiment pas exiger des bateaux de guerre russes de la ponctualité. Ils se firent attendre. La mer vacarmait et tapageait, la grande voile tonnait, et le mât grinçait et gémissait. Kedril pesait de tout son corps sur le gouvernail et beuglait ses ordres le plus haut qu'il pouvait. Et le matelot et moi, nous les répétions en beuglant, en signe que nous avions compris, et dans un braillement indescriptible, nous filions par les nocturnes vallées d'eau et grimpions sur les crêtes frémissantes des lames essoufflées. Notre mât de beaupré s'enfonçait jusqu'à la proue dans les montagnes de verre noir et luisant qui sans arrêt roulaient à notre rencontre. Il lançait en l'air comme à l'appel des blocs d'eau. Il avait l'air d'une bannière en loque, les paquets de mer chuintaient et le vent triait dans les cordages. Quelque part au sud apparut une étincelle déchiquetée, battue par le vent, et nous galopâmes nos 5 bons milles bien sonnés. Un misérable, un maudit cargo, va-t'en au diable! La belle somme d'argent tourna à rien. Les 3 bâtiments russes nous avaient échappé. Nous nous saoulâmes de rage, nous tremblions d'épuisement. 48 heures durant, nous nous étions battus avec une mer effroyable, sans qu'une bouchée eût franchi nos lèvres. Et rien, diaole, hé hé, comment ce diable de Mathieu avait-il fait son compte? Avait-il été à leur rencontre jusqu'à l'équateur? Hé, Kedril, pilote numéro 1. Nous nous donnâmes quelques bourrades pour rire. Quel marteau que les poings de Kedril! Nous étions à point pour une batterie, approche, et me voilà de retour. Sors, Yvonne, au moins tends-moi la main. La bouche d'Yvonne était fraîche, mais ses joues brûlaient. Ses cheveux avaient l'odeur chaude de l'été, et le parfum de la lande montait de ses vêtements. Des lueurs brillaient sur ses joues et sur son front bombé. Elle était si brune comme Amoric lui-même, Amoric le borgne. Sortiras-tu, Vierge Marie? Elle sourit. Elle savait tout ce qui allait arriver si elle sortait. « La prochaine fois, je sortirai, » souffla-t-elle. « Non, aujourd'hui, Yvonne. La prochaine fois. Bon. » Je m'en allai, et au milieu de la lande, je m'assis sur une pierre. Comme elle prenait cela solennellement, c'était une jeune fille. Elle tremblait et frémissait de crainte devant son heure. « J'attendrai, Yvonne, je te jure d'avoir de la patience. » « Écoute, la mer monte, le courant tonne. Écoute, la mer baisse, il y a des mouettes en chasse. » La pluie crépitait sur mon toit, et tout là-haut le vent se sauvait en hurlant. Je chantais, je sortais dans la tempête, et je chantais à haute voix, parce que je me sentais vivre. Brume. Elle filtrait à travers la porte et les murs, et mon tabac devenait humide. Créage beuglait des nuits durant. J'allais et venais, et mon cœur battait chaque fois que Créage élevait la voix. Là-bas, un vapeur répondait « Arrête !» Il naviguait trop près. Je sortais devant la maison et tendais l'oreille en retenant mon souffle. Maintenant, il hurlait plus loin. Il n'y avait plus de danger. Une nuit de brume, j'entendis la sirène d'un vapeur qui gouvernait dans une direction totalement fausse. Il naviguait du faux côté du dangereux passage de Fromver que tous les marins connaissent. Il fonça en pleine insouciance, corna et disparut, sans jamais soupçonner combien sa quille avait frôlé de près les rochers. Il y avait là des récifs comme des faux qui guettaient l'occasion de le fendre dans toute sa longueur. Quand le soleil se levait et frôlait toutes les graminées et les herbes de la lande, on eût dit que l'île avait mûri. Les vols d'oiseaux arrivaient du nord, d'Irlande et d'Angleterre. Ils filaient en forme de coin au-dessus de l'île et disparaissaient avec la rapidité de l'éclair derrière l'horizon. Par derrière arrivaient sans cesse de petits groupes de traînards. Qu'ils pussent ou non rejoindre, le gros de la troupe n'y prenait pas garde. Mais dans les nuits noires, les essaims volaient droit contre les phares qui éclataient soudain devant eux, et avant que le coin mouvant ait pu virer, des centaines d'oiseaux s'étaient brisé le crâne. Ces jours-là, l'île entière se nourrissait d'oiseaux. Moi aussi. On n'avait qu'à aller à Créache les ramasser. Ils gisaient sur la lande, dans les rochers, partout. Leur bec était légèrement ouvert, comme s'ils avaient crié dans leur chute. De rondes capsules grises se bombaient au-dessus de leurs petits yeux à l'éclat humide. Et comme leurs os étaient tendres au toucher sous leurs plumes duveteuses, Poupoule avait de bons jours. Chapitre 30. Bonjour Mathieu, bonjour l'honneur, petit Jean, bonjour tout le monde. Nous avons traversé pour pêcher par ici. Nous voulions voir comment tu allais. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils étaient même venus à pied jusqu'à la Villa des Tempêtes. Oh, vous n'avez pas besoin de verre. Vous n'êtes pas si raffiné. Mais par tous les diables, petit Jean, tu avales toute la bouteille. Sommes-nous parés? Racontez ce qu'il y a de neuf. Tas de chiens, j'y pense. Vous nous avez soufflé les trois Russes, mes gaillards. Kédril et moi, nous avons failli périr en mer. La matinée était fraîche et claire. Tel un seul bloc de pur cristal sans défaut, l'air s'étendait sur la mer. La mer luisait, bleue d'acier, irradiant un éclat hardi et une clarté scintillante, frémissant d'intenses vibrations qui vous allégeaient et vous rasséréniaient le cœur. À l'horizon coulait une bande d'indigo foncé. On ne pouvait la considérer sans étonnement. Les récifs mouillés étincelaient au soleil. En bas, au port, se tenaient les pêcheurs, joyeux, et le verbe haut, attendant la brise. Leurs visages frais lavés luisaient rouges au soleil. « Bonjour, bonjour, de tous les côtés !» Nous gagnâmes le clocher à la rame. Dans la baie, il y avait une petite voile lumineuse. C'était Jean-Marie. Le roi de la mer était toujours le premier. Il semblait qu'il y eût là-bas une poignée de vent, et nous hissâmes la grande voile. L'honneur, petit Jean et moi, oh hisse, la lourde toile monta lentement et notre dos touchait le pont. Alors l'honneur et petit Jean s'attelèrent devant le clocher dans le canot, et moi, le dos appuyé au mât, je maniais le long aviron de 5 mètres. Il faisait ressort, mes bras devenaient durs comme du fer, et le massif clocher se mit à ramper lentement. La grande voile pendait, flasque comme un pendu, et ballottait un peu par moments, c'était tout, pas de vent. La baie était unie comme de l'huile. Aux endroits où d'ordinaire le ressac tourbillonnait, la mer se gonflait tout juste un peu avec un léger frisli. Les rochers fleurissaient au soleil comme des cerisiers et tout au loin ils scintillaient comme de la nacre. Des haillons de brume laiteuse, imbibés de soleil, flottaient lentement sur l'île, l'un derrière l'autre. Un petit cargo vagissait au loin, et de temps à autre, Créache poussait son mugissement durant quelques minutes. Maintenant, nous avions la baie derrière nous, et nous étions en mer. Les matelots montèrent à bord, et le travail commença. Nous tendîmes les casiers, c'étaient des paniers d'osier en forme de grands attrape-mouches. Ils n'avaient qu'une ouverture en haut. Au milieu, on attachait un poisson mou, à demi pourri, dont les yeux étaient déjà gris. En bas étaient amarrées des pierres, les paniers étaient lourds et le sang me martelait les tempes quand je les jetais par-dessus bord avec l'honneur. Une couronne de perles d'écume s'élevait à l'endroit où ils tombaient. Puis ils s'enfonçaient jusqu'au fond de la mer. Ils étaient pourvus de longues cordes qui portaient à leur extrémité des paquets de morceaux de liège pour permettre de les retirer. Le travail était fait et nous avions 6 bonnes heures devant nous. Entre-temps, le mousse avait préparé le café et nous le bûmes, assis en rond sur le pont, dans une gamelle de fer blanc qui avait des cercles comme les vieux arbres, des cercles de crasse, de vin, de café et de cognac. Je m'étendis au soleil et lui présentai mes bras, mon visage et mes pieds nus, et je me sentais gonflé dans la chaleur comme un pain au four. La mer était polie et transparente comme de la glace, avec une fente d'un vert blanchâtre, çà et là, dans la profondeur. Par moments, elle se fronçait comme une peau ridée, et à tribord passait dans le lointain une route scintillante comme une myriade de petits poissons rapides. Les mouettes stridaient, et des hirondelles de mer s'en allaient par petites troupes. Trii, trii, dehi, dehi, goulou, goulou, goulou, dehi. Une nageoire triangulaire émergea et une chose respira, exactement comme le frein pneumatique d'un tramway électrique, et passa vivement, longue de 4 bons mètres. Un souffleur. Il nageait rapidement. Il respira encore 2 fois, 3 fois, et il était disparu. L'île était couchée dans le lointain, comme un animal gris cuirassé d'écailles, sa mâchoire effroyable guettant à demi sous l'eau, un piquant sous le nez. Elle paraissait inhabitée, et qui aurait bien pu avoir l'idée d'habiter sur ce tas de pierres inhospitalier? Une bande de brume s'approcha de Créache, l'enveloppa, et Créache beugla, tandis qu'ici brillait le plus clair soleil. La bande de brume s'approcha davantage et enveloppa le clocher. Des franges de brume en dépassaient, qui s'accrochaient aux vêtements et aux cheveux, si bien que tous avaient l'air de s'évaporer en fumée. Un vapeur corna, puissant et calme, comme seul corne un grand paquebot qui n'a pas peur et demande la voie. Il s'approcha, et nous saisîmes les avirons, car on ne pouvait pas savoir d'où il venait. Alors il apparut comme un fantôme géant dans la brume, avec tous ses mâts, ses vergues, ses cheminées, ses ponts. C'était un steamer, P.E.O. À ce moment, la brume glissa de côté, et le vapeur passa, lumineux et brillant, tout contre nous. Sur le pont se tenaient des groupes de jeunes filles avec des voiles flottants. Immédiatement, l'honneur se mit à jouer de l'harmonica. Elles caquetaient et criaient, et leurs mouchoirs blancs ondoyaient. « Hi hi, voulez-vous des poissons ?» L'honneur leva un poisson en l'air et le lança vers le vapeur. « Hi hi !» crièrent les jeunes filles. Alors l'honneur, qui était un gaillard cosmopolite, joua « God save the Queen ».« Hi hi hi hi !» criait-elle. Le clocher se mit à balancer. « L'honneur !» dit l'honneur. « Si nous les avions ici, ah, une pour chacun de vous et 2 jeunes veuves pour moi !» Il suivait le vapeur qui s'éloignait avec des yeux clairs et sauvages. Puis il fit un mouvement instinctif incroyablement comique et nous crevâmes de rire. Un oil tank arriva. Ce vapeur avait un aspect comique parce qu'il portait sa cheminée tout à fait à l'arrière. C'étaient des gens insociables, noirs comme des nègres. Ils nous regardèrent avec tout juste un petit ricanement. L'honneur s'offrit à leur taper sur la gueule de bois. Il y eut un moment de calme. Ça et là, des vapeurs qui disparaissaient dans les bandes de brume, cornaient, reparaissaient, puis arriva un étrange voilier. Bonté du ciel ! Il était petit et datait sûrement d'un autre millénaire. Il avait 2 mâts, un mât normal et un tronçon derrière. Le bastingage était haut de 2 travers de main, c'était tout, et d'étranges gaillards maniaient les longs avirons. C'était un bateau avec lequel on pouvait à peine naviguer sur un lac et encore moins sur mer. « Eh, combien de nœuds vous faites à l'heure ?» Personne ne répondit. L'honneur mit les doigts dans sa bouche et siffla en manière de provocation. « Faut-il que nous montions à bord vous assommer ? D'où venez-vous ? D'Espagne ! » Mais ici, Petit-Jean reprit vie. Il renifla avec son nez Camus et ses petits yeux jetèrent des étincelles. « Où allez-vous » demanda-t-il. Ils étaient tout près maintenant. « Au Havre. »« Alors vous allez en Angleterre ? » dit Petit-Jean. Et il rit. « Qu'avez-vous comme cargaison ? » « Du vin. » Petit-Jean connaissait ce genre-là. Il avait lui-même été dans la partie. « Ce sont des contrebandiers, » me dit-il. « Regarde-moi ce bateau. Naturellement, ils vont au Havre. Donnez-nous un peu de vin. Nous vous donnerons du poisson. » Mais tout d'un coup, les gens sur l'étrange bateau ne comprirent plus un mot de français. Ils nous injurièrent en espagnol. L'honneur s'offrit à leur enfoncer le crâne. Mais Petit-Jean les suivait avec des yeux brillants et pleins de nostalgie. « Ah, ils sont dans le pétrin. Ils vont à l'aviron. Ils ont été poussés à la dérive et ils n'ont pas de vent. » Il les regarda, plein de compassion, et fit claquer sa langue. Petit-Jean était un gaillard, avec cet air stupide et ingénu qu'ont souvent ceux qui sont subitement condamnés à mort. Ils ont donc fait quelque chose, grand Dieu. Ils savent à peine quoi. Ils sont tout étonnés. Il avait servi 5 ans chez un patron dont c'était la spécialité de perdre des bateaux. Confie-lui un bateau hors d'usage que les compagnies n'assurent plus qu'à regret, tu n'as pas besoin de lui rien dire, les compagnies ne marchent plus raides, ou quelque chose dans ce genre-là, ça suffit. Le bateau ne revient jamais, il s'échoue, il coule, une chose est certaine, il ne revient pas. Par exemple, il a une voie d'eau, il est en train de sombrer dans une situation lamentable. Les torpilleurs ont beau vouloir le remorquer, il ne se rend pas, il meurt. Petit-Jean avait coopéré à plus de naufrages comme qui vivent. La paye était excellente. Mais voilà que juste après que Petit-Jean avait dû partir au service, son patron se noya avec tout l'équipage. Cette fois, il avait fait une petite erreur, il avait touché les rochers plus tôt qu'il ne voulait. Petit-Jean pouvait raconter durant des journées. Trois mots, trois gestes, mais on voyait tout. Il était trop bête pour mentir. Par contre, l'honneur était un gaillard malin avec des yeux clairs et des traits bien dessinés. Il mentait. Tous ses mouvements étaient prompts. Il était toujours occupé. Il reclouait une nervure, nouait une corde, reprisait une voile. Toujours, il voyait quelque chose à faire. Il allait, nu-pieds, portait une courte culotte et une chemise ridiculement courte. Ah, quelle chemise ! Elle arrivait tout juste un peu plus bas que les épaules, laissant libre tout son dos brun, les bras et la poitrine, et pourtant c'était une chemise, et au surplus une chemise de San Francisco. Sur son bras droit était tatoué un voilier, et Napoléon, autour duquel s'enroulait un gros serpent, sur sa poitrine une image géante de la République, et quand sa culotte tombait, on voyait sur son postérieur un poisson rond au regard méchant avec des piquants furieux. L'honneur était brun et demi-nu, et l'on pouvait voir qu'il appartenait indubitablement au sexe masculin. L'honneur disposa une corde en huit sur le pont et se mit à danser en jouant de l'harmonica. Il se tirait très adroitement d'affaire et ne touchait jamais la corde avec ses pieds. Naturellement, moi aussi, je pouvais faire ça. L'honneur joue. Mais, tiens, tiens, ce n'était pas aussi facile que ça paraissait. Puis, nous tendîmes nos lignes et nous devînmes tout à fait silencieux. Des heures passèrent, nous pêchions le lieu, poli comme de l'acier, avec un museau pointu de brochet, le pironeau à l'éclat argenté qui a sur le dos une aile de dragon, la sarte cruelle avec des dents pointues dans la gueule, un large gosier vorace, des yeux de chat bombés, un corps tigré, une tête rouge brique et des nageoires orangées. La mignonne coquette qui devient écarlate au contact de l'air. La vieille, spongieuse comme une morille, épaisse et gauche, avec des lèvres de nègre lubrique. Le rouget, le merlan, le congre. Ils gisaient là, dans le coin, happaient l'air, et mouraient. Demain, c'est nous qui tomberons à la mer, et chercherons à happer l'air. La Sarthe viendra comme un sous-marin nous arracher les yeux, et la grosse vieille nous grignotera le nez avec ses lèvres de nègre lubrique. Le soleil monta au zénith, et j'étais étendu sur le pont brûlant, et je clignais les yeux vers lui. Il s'ébrouait, papillotait, et me secouait au visage de longues banderoles de feu. Je fermais les yeux et m'endormis. Mais à ce moment, la ligne à mon doigt eut une secousse, quelques poissons là-dessous qui désiraient me parler pour une affaire urgente. Les cloches de l'île tintèrent dans le lointain et le mousse apporta le déjeuner. C'était une grande marmite, remplie de bouillon, de pommes de terre, de choux, de morceaux de poisson, princier. Nous étions assis autour de la marmite et nous y pêchions avec nos cuillères. L'honneur menait un train si enragé que personne ne pouvait le suivre. Le mousse eut tout juste la marmite à lécher. Maintenant, il était temps de relever les casiers. Les cordes avaient déjà entamé des rainures dans le bordage et le bateau vibrait et ronflait comme une contrebasse. Il fallait s'enrouler un morceau d'étoffe autour des mains car les cordes mouillées et chargées déchiraient la peau. Le bateau dégouttait d'eau et les casiers, avec leurs pendeloques d'algues et d'herbes, apportaient du fond de la mer une forte odeur de fécondité. Les premiers paniers étaient vides, quelques coquillages et des étoiles de mer. Seul un gros crabe y était tapi. L'honneur le reçut fort peu poliment. Comme il ne voulait pas sortir de lui-même du panier, il commença par lui arracher quelques pattes. Bon, maintenant ça marchait. L'un après l'autre, les paniers montaient et nous regardions tous, anxieux, l'endroit de l'eau où le panier devait apparaître. Quand on voyait briller le pâle cadavre du poisson d'appât, il n'y avait pas grand espoir. Nos affaires étaient florissantes, nous n'étions pas mécontents. Hé hé, sortez ! L'honneur les prenait adroitement par la taille, les serrait entre ses genoux et leur tranchait les tendons des pinces. Les langoustes faisaient un bruit de bourdon, bourre, bourre, et se dressaient sur leur queue, Le couteau de l'honneur les effarouchait, et elles le fixaient de leurs gros yeux pédoncules. Cela ne leur était d'aucun secours. Chose curieuse, la plupart du temps, on les trouvait par couples dans les paniers. C'était sans doute comme qui dirait de jeunes ménages en voyage de noces, qui dans leur promenade avaient tout à coup rencontré sur le fond de la mer cette villa remplie de magnifiques poissons et s'y étaient installés. Nous allons rester ici, bien-aimés. Mais alors la villa se mettait en marche, elle portait des cuirasses de cuivre et sur la nuque un bouclier cartilagineux. Il y avait aussi quelques homards en armure d'acier poli. Ils lançaient des coups de pince furieux autour d'eux, et l'honneur en reçut un à la main. Le sang jaillit. « Sacré nom d'un bleu de cochon !»« Attention, l'honneur ! Un homard peut vous trancher un doigt d'un seul coup !» De nouveau, nous avions équipé les paniers, et nous les avions laissés couler, quand un petit bateau s'approcha. Nous aiguisâmes nos regards. « Qui diable ?» C'était Yann. Il venait à la rame, d'une distance de 4 000, pour nous faire une petite visite. « Ah, le petit capitaine, vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» Non, la machine est détraquée. Yann parlait haut et faisait l'indifférent. Il voulait simplement voir ce que nous fabriquions. Mais tout de suite, je sentis que la visite de Yann avait un but déterminé. Elle était pour moi. Yann avait les yeux injectés de sang, et je savais ce que cela signifiait. Il avait sa crise périodique. Dans ces cas-là, il buvait effroyablement, il buvait à journée faite, et les matelots du travailleur n'osaient pas ouvrir la bouche. La nuque gonflée d'une fureur insensée, il allait et venait comme un tigre et cherchait des taches de rouille sur le pont. Il frottait, grattait, examinait chaque clou, ferraillait avec les chaînes des ancres et les treuils, en grognant, sans prononcer une parole. Il arrachait le pinceau des mains du matelot qui était occupé à badigeonner et badigeonnait lui-même. Le matelot se gardait bien de dire un mot, car alors ce volcan crachait du feu, il grêlait des blocs de roche. Et Yann buvait de plus en plus effroyablement, défaillant de rage, car il ne savait pas pourquoi. C'est dans cet état que Yann se présenta sur le clocher. Chapitre 31. Mais Yann ne dit rien. Le soir vint, et le soir non plus ne nous apporta pas la moindre brise. Nous dérivâmes avec le courant, le long de l'île vers le nord. Un temps durant, nous dûmes atteler les matelots dans le canot, tandis que Yann et moi, nous travaillions avec le long aviron. Nous passâmes à un cheveu des rochers contre lesquels l'écume rejaillissait en pétillant. « Eh bien, Yann, comment ça va-t-il » Yann me regarda d'un air effarouché. « Bien, pourquoi pas ?» Le soleil descendait, et la mer scintillait comme des milliers de vitres. Le soleil flamboya pourpre dans un ciel violet, puis il devint jaune et mat, et par derrière, le ciel se teinta d'un gris livide. La route éblouissante qui du soleil menait à notre bateau se contracta, devint de plus en plus courte et disparut. Le soleil était parti. Aux antipodes sur l'océan Pacifique, l'aube blêmissait. Derrière l'île obscure jaillirent des gerbes de lumière, c'était Créache. Stiff illuminait droit devant nous, blanc, blanc, rouge, de plus en plus loin. Le crépuscule était tendre comme de la fumée bleue. Le mousse attisa les charbons avec un petit fourneau, et quand ils furent incandescents, il posa dessus notre gros crabe, sur le dos. Pour commencer, il se sentit à l'aise. C'était une sorte de soleil de juillet qui lui rôtissait le dos. Il s'étira de bien-être, puis il eut trop chaud. Il ramait désespérément des pinces et mâchait des mandibules. Un trou se fit dans la carapace, on entendit un chuintement dans les charbons. Mais le crabe continua à s'agiter. Finalement, il se tint tranquille, et c'était signe qu'il était à point. Nous avions du pain, un pot de beurre rance, et comme morceau de choix, notre crabe. On me donna les pinces. Allô, que c'était bon ! Le beurre même n'était pas positivement rance, et il me parut excellent. Nous étions creusés par la faim, et nous aurions dévoré des boîtes de fer blanc et de la sciure de bois. Yann déboucha une bouteille et la fit circuler. Il faut en convenir, c'était bon. Nous étions fatigués, rassasiés, et nous buvions. Ils étaient tous assis en rond, bruns et sauvages, avec des yeux clairs, bons garçons comme des enfants élevés par la mère, avec un rire puissant qui vous mettait à l'aise. L'honneur raconta une de ses aventures, comment leur bateau s'était changé en glace au nord de Terre-Neuve. Le pont avait gelé d'abord, puis le bastingage, les mâts, et de longs glaçons pendaient des vergues et des cordages. Le gouvernail gela aussi, et finalement tout le bateau ne fut plus qu'un pesant bloc de glace, et les glaces flottantes arrivèrent, l'enfermant et le pressant à le faire craquer. Il dériva ainsi bien des jours durant. L'honneur avait dans la cabine une coupure de journal qu'il conservait précieusement, et il alla la chercher. Il me fallut la lire. Alors Petit-Jean raconta des histoires de son patron. Il racontait ainsi : le patron, vois-tu, était petit et large, carré. Il était fort et arrachait une ancre du fond à la main. Il se met en colère, vois-tu, et sa nuque remonte par-dessus sa tête, comme ça. Nous avons chargé du charbon. En Angleterre, du charbon, de la merde. Le patron tournaille sans parler. Attention, disons-nous. Le patron regarde le ciel, la mer, la côte, là, dans le lointain. Le patron connaît chaque caillou dans la mer. Les yeux bandés, il fait le tour du monde. Parole d'honneur. Le patron vient sur le pont en chaloupant, une bouteille à la main. Garçon, nous allons boire un petit verre. Comprends-tu? C'est le signal. Nous faisons nos paquets. Demain, le bateau n'est plus sur l'eau. Le patron était un marin. Un marin. Par le pire des temps, avec un mouchoir au bout d'une perche, il cinglait entre deux maisons. Parole d'honneur. Le patron était un artiste, un professeur, dit Petit-Jean, en ouvrant effroyablement les yeux. Et nous nous mîmes à rire parce qu'il ouvrait si effroyablement les yeux. Maintenant, c'était mon tour. Hé, joue-nous quelque chose, dit Mathieu. Je tirai ma flûte de ma poche, soufflai pour en faire sortir le tabac, et m'humectait les lèvres. « Qu'est-ce que vous voulez entendre ?»« N'importe quoi !» Je fis la bouche en cul de poule, soufflai dans ma petite flûte et fis courir mes doigts sur les trous au pas accéléré. Ma petite flûte sonnait merveilleusement claire sur la mer. « Dernière rose, comment peux-tu fleurir ici, solitaire ? Tes charmantes sœurs sont dès longtemps parties. Plus une fleur, Ils étaient tous assis en rond et prêtaient l'oreille. « Encore !» Et je laissais mes doigts danser sur la flûte et je soufflais. Jouissez de la vie si longtemps que la lampe brûle, cueillez la rose avant qu'elle ne se fane. Je terminais par un tri merveilleux et avec cela mon répertoire était épuisé. Comme il joue bien! Tu ne vas pas cesser déjà, en route! Vous voulez en entendre davantage? Bon. Je secouai ma flûte pour la vider et la remis à ma bouche. Et une fois de plus, la petite flûte chanta. Dernière rose, « comment peux-tu fleurir ici, solitaire ? Et par là-dessus, jouissez de la vie si longtemps que la lampe brûle. » De nouveau, je terminais par un tri merveilleux que je laissais s'éteindre et mourir, et le concert était fini. Ils étaient assis en rond et hochaient la tête. « Tu as bien joué aujourd'hui. » Seul Yann ne disait rien. Le ciel devint bleu foncé et la nuit vint. Tous se fourrèrent sous leurs couvertures. Seul Mathieu resta accroupi à la barre, comme une ombre immobile. J'étais étendu sur le pont qui s'était gorgé de chaleur, les bras croisés sous la tête, et j'épiais tous les petits bruits qui picotaient et clapotaient contre le bateau. Au sud, Stiff clignotait, et Créache lançait vers nous ses poignards luisants. C'était là que dormait Yvonne. Au nord rampait une étincelle verte, un vapeur qui entrait dans la Manche. Au-dessus de moi, les cordages se dessinaient sur le ciel avec une netteté de filigrane, les étoiles papillotaient et scintillaient, comme tombe une pluie, pensais-je. La lune se leva, d'un rouge incandescent et démesurément grosse, elle se tenait sur la ligne d'horizon et toutes les petites vagues frissonnaient à sa rencontre. Elle monta, noble et digne, sans toutefois inspirer ni crainte ni effroi. Elle devint jaune citron. Puis, en montant encore, blanc d'argent et étincelante, les cordages jetaient sur le pont des ombres nettes qui par moments oscillaient légèrement et se fondaient les unes dans les autres. Avec la lune s'était élevé un petit nuage étroit. Il s'était dilaté dans tout le ciel et jeta un éclat blanc comme de la neige fraîche tombée. Mais aussi vite que fond la neige, le nuage se dissipa et au même instant le ciel redevint clair. Alors apparut au bord de l'horizon, sous la lune, une petite troupe de nuages, comme les éclaireurs d'une armée venus en reconnaissance. Ils firent volte-face et disparurent. L'armée ne monta pas. Partout, de minuscules langues de fumée jaillissaient des petites vagues, comme si la mer commençait à brûler. Elles s'épaissirent et une île de brouillard flotta sur la mer, comme sur un pré à l'automne, et soudain l'île de brouillard s'éleva et plana lentement dans l'air. La mer avait enfanté un nuage. « Nous allons avoir de la brume, » dit Mathieu, comme une voix sortie de la mer. Et de nouveau j'étais étendu, et je prêtais attention à toutes les choses extraordinaires qui se passaient autour de moi. La mer devint vaporeuse et grise, comme si la lune s'était soudainement couchée. Le feu de Steve dans le lointain avait l'air d'un œil rouge enflammé qui ne s'ouvrait qu'avec peine, au prix de grandes douleurs, et se refermait aussitôt. À l'horizon glissaient des coups de lumière livides, c'était Créoche. Une ombre émergea de l'écoutille, et j'entendis des pieds nus sur le pont. Je fermai les yeux. « Hé !» murmura Yann. Il s'accroupit auprès de moi, avec un craquement de ses articulations. Je ne bougeais pas, je savais bien que sa visite était pour moi. « Hé !» Yann me secoua et j'ouvris les yeux. Un instant, Yann me regarda, puis il dit « Pars !» D'étonnement, j'ouvris la bouche et ne répondis rien. « Pars !» répéta Yann. Je souris. Les yeux de Yann étaient comme des trous sombres et brillants. Même dans cette demi-obscurité, je pouvais remarquer qu'ils étaient injectés de sang. Des vapeurs de cognac s'échappaient de sa bouche. « Yann, dis-je, tu es fou. Va dormir, mon ami. » « Pour que tu le saches, » continua Yann, « c'en est fini de notre amitié. Nous n'avons plus rien à faire l'un avec l'autre. » Il disait la vérité, je l'entendais au son de sa voix. Je me soulevais. « Yann !» Yann grogna. « Rose Eyre m'a tout dit la nuit dernière. Ce matin de bonne heure, je suis allé chez toi, mais tu étais parti. C'est pourquoi je suis venu en mer. Oui, elle m'a avoué qu'elle avait été chez toi, dans une heure de faiblesse. J'étais à Brest. Alors elle est venue frapper chez toi et tu es sorti. Elle s'est sauvée, mais tu l'as rattrapée et tu l'as portée dans tes bras à la maison. » Je m'étonnais de plus en plus, mes articulations devinrent toutes molles. « Ainsi elle te l'a dit, Yann ?»« Oui, tout. Et je l'ai battue, par Dieu, et je l'ai battue terriblement. J'étais hors de moi. Il s'en est fallu de bien peu que je l'ai assommée. Mais elle ne pipait plus. C'est pourquoi j'ai cessé. » Pause. Une étoile filante glissa dans le ciel. Là-haut non plus, tout n'était pas dans l'ordre. Je réfléchis. Comment pourrais-je jamais comprendre Rose Eyre ? Elle s'était livrée à Yann uniquement pour l'exciter contre moi, sans aucun autre motif. « C'est tout ce que je voulais te dire, » murmura Yann de nouveau. « Tu m'as trompé. Un de nous est de trop dans l'île. Pars, te dis-je. » « Et si je ne pars pas ? » demandai-je au bout d'un moment. Yann resta silencieux, puis il eut un rire étouffé et rauque. « Pars !» murmura-t-il. « Tu as été mon ami, et c'est pour cela que je te dis « pars ». Je suis fou de rage, entends-tu ? Pars par le prochain bateau. » Ce fut tout notre entretien. Je restais tendu et réfléchi longuement. Du jour au lendemain, tout avait changé. J'avais perdu Yann, et pourtant nous étions si bons camarades, n'est-ce pas ? Adieu, Yann. Mais décider si je partirais ou non, c'était mon affaire. Alors un frisson glacé me parcourut. Oh oui, Yann était un gaillard que l'on pouvait croire capable de bien des choses. Je me mis à rire tout seul, silencieusement. Par Dieu, il pouvait faire ce qu'il voulait. À lui de voir comment sortir de cet accès de jalousie. Bonne nuit. Je dormis d'un sommeil profond et sain. Vers minuit, je m'éveillai à un sifflement qui passait au-dessus de moi. Il tonnait au loin, des éclairs erraient à l'horizon comme un réseau de veines de feu finement ramifiées. Et illuminait les bords de lourdes masses de nuages au-dessus de nous. La voile claquait comme des salves de mousqueterie, et nous dérivions rapidement. « Prends garde de ne pas passer par-dessus bord !» cria Mathieu, en riant. Il était toujours de quart. Comment pouvais-je donc passer par-dessus bord, couché si près du bastingage ? Il commençait à pleuvoir, et je tirais sur moi un lambeau de voile. La pluie coulait sur mon visage, elle était tiède. Les éclairs m'éblouissaient à travers mes paupières et illuminaient tout mon cerveau. Je me rendormis. Quand je fus réveillé par une sensation de nausée, il faisait matin. Le clocher roulait, se poussait dans les larmes et montait. Les deux petits canots à la traîne le suivaient en toute hâte, avec des bonds anxieux comme deux jeunes chiens derrière leur mère. La mer était grise et une fine pluie grise la balayait obliquement. Nous étions enfermés dans un rempart circulaire de fumée et nous ne pouvions pas voir à 200 mètres. Sur le pont, ils étaient à l'ouvrage. Où allons-nous ? En Angleterre. Il va y avoir mauvaise mer, l'honneur. Va boire ton café en bas. Parfait, en Angleterre. Je descendis en rampant à la cabine. Il n'y avait pas d'escalier, il fallait faire un rétablissement et lancer adroitement ses jambes par l'écoutille. Je marchais sur de la chair. C'était Yann qui s'était enroulé par terre et dormait. Poupoule s'appuyait du dos contre lui et tendait les pattes en l'air. Seul Petit Jean était assis sur l'étroit banc de bois et buvait à la gamelle. « Il n'a pas dormi de la nuit, le petit capitaine, » murmura-t-il, après nous être dit bonjour. « Qu'a-t-il donc ?» Petit Jean me tendit la gamelle. Je bus vivement, car je ne me sentais pas à mon aise ici, en bas. La cabine était minuscule, une caisse dans laquelle on ne pouvait pas se tenir debout. Dans le coin, il y avait une petite statue bariolée de la Madone, et sur la paroi était peinte une inscription en lettres enjolivées. « Dieu protège le clocher du village et son équipage. » En dessous, l'honneur avait écrit « Dieu protège les ivrognes. » Bon, j'en avais assez, et d'un rétablissement, je remontais sur le pont. Un trois-mâts chevauchait dans le brouillard, écrasé sous ses 50 lourdes voiles. Il mettait le vent à profit. Oui, il y avait mauvaise mer. Les rapides collines d'eau se couvraient de ces cordons blancs bien connus, et les couronnes d'écume ne se brisaient plus à la crête, mais elles montaient en l'air, toutes dentelées, et le vent les déchirait comme des fanions. Dans nos cordages, le vent vocalisait dans les notes hautes, les poissons morts glissaient sur le pont, ruisselant, et le mousse, blême et malade, les ramassait dans un panier. Des vapeurs cornaient, hurlaient et piaulaient là-bas, et parfois l'ombre trouble d'un vapeur apparaissait à l'intérieur de notre rempart de fumée, pour redisparaître rapidement. Alors arriva quelque chose de tout à fait extraordinaire. À la barre, l'honneur se détourna brusquement et commença à cracher. « L'honneur ! » criâmes-nous tous en éclatant de rire. L'honneur tourna vers nous une face verte. « Ah, au diable ! Ça ne m'était pas arrivé depuis 6 ans, l'honneur !» Quant au mousse, il était aplati sur le pont, les bras étendus à gauche et à droite, et à chaque mouvement du clocher, son visage de voyou dodelinait d'un côté à l'autre, il avait l'air mort. Moi aussi j'eus un accident. Un paquet de mer m'avait jeté une pelletée d'eau droit dans la poche gauche de mon pantalon et avait trempé mon tabac. Il me fallut donc descendre à la cabine, souffler sur les charbons, sécher mon tabac. Yann venait de se lever, il était assis sur le banc, la gamelle dans les mains, il me regarda avec des yeux vides. « Bonjour Yann !» Yann resta silencieux. Alors nous entendîmes corner un grand vapeur. Il beuglait derrière notre rempart de fumée qui marchait avec nous, quelle que fût notre vitesse, et tantôt se rétrécissait, tantôt s'élargissait. Nous tendîmes l'oreille par-dessus le bastingage sans prononcer une parole. Le bourdonnement de la sirène se rapprochait, mais il était impossible de déterminer la direction. Et tout à coup Mathieu se jeta sur la barre et beugla « Changez les voiles !» Nous hurlâmes en réponse et nous mîmes à l'ouvrage. Mathieu venait seulement d'apercevoir la proue du vapeur, il n'osait pas le croiser. Le vapeur passa, il avait 4 cheminées brunes et 4 mâts et une longue superstructure à 3 étages. Un vapeur du Lloyd. Les paquets de mer passaient par-dessus son avant-pont, mais il restait parfaitement tranquille. La passerelle était couverte de toile à voile et on ne voyait pas une âme à bord. Il avait l'air mort, seules ses cheminées fumaient. « Mais écoute, écoute donc, de la musique !» Nous échangeâmes des regards et des sourires, ces canailles étaient à table et l'orchestre leur donnait un concert. Le vapeur transperça le rempart de fumée et disparut. Nous reniflâmes l'air, c'était sa fumée, l'honneur. Vers 5 heures, le vent tourna de quelques points et se mit à faire rage comme un ouragan. Mais nous étions de bonne humeur. Petit Jean et Yann étaient couchés sur la barre, les surois profondément enfoncés sur leurs visages trempés et fripés, et chantaient une chanson bretonne. Ils gueulaient si fort que les yeux leur en sortaient de la tête. La mer n'avait pas un aspect très encourageant. De tous les côtés, elle nous assaillait. Nous étions perdus dans les lames comme le puceron dans le murmure des feuilles. Je m'accroupis dans un coin, remontais les genoux et soufflais dans ma flûte de toutes mes forces. La tempête m'arrachait les cheveux et me tordait le nez. Jouissez de la vie. Mes doigts s'amollissaient. Eh, eh, la flûte ne marche plus. Et de nouveau les hommes de bar, brailleurs, jeunes filles bien-aimées sur le lointain, lointain rivage. Je les entendais très loin, très loin. Le sang bourdonnait dans mes oreilles. Je me sentais devenir de plus en plus pâle, mais je serrais les dents. Je ne me rendrais pas. La sueur froide me perlait aux tempes. La mer se fondait en un tourbillon gris qui devenait de plus en plus abrupt. Des visages émergeaient du tourbillon giratoire. La mer grouillait de masques dégoûtants et de larves. Des mains se tendaient pour me saisir. Alors je reçus un tel coup au creux de l'estomac qu'un brouillard passa devant mes yeux. Des doigts de fer se vissaient autour de mes tempes, et tandis qu'une douzaine de mains me maintenaient par les cheveux, un doigt visqueux, en patte d'araignée, s'enfonça entre mes dents, dans ma bouche, descendit dans mon gosier, jusqu'à l'estomac. Oh, oh, oh, je me secouai. Alors les mains tirèrent mes cheveux, qui s'allongèrent sur des mètres, tout mon corps était roide et sans force, et les mains me tirèrent par-dessus bord. Elles m'entraînèrent dans les profondeurs, et elles me tiraient par les cheveux dans la mer noire comme la nuit, avec la rapidité de l'éclair, sur des milles. Soudain, elles me laissèrent aller, et mon crâne craqua contre le fond. Je suffoquais et remontais en tournoyant. Cela ne finirait-il jamais? Encore une seconde, et je n'en peux plus. Enfin, j'étais en haut, et je respirais. J'étais toujours à bord du clocher, et de nouveau j'entendais brailler les hommes de bar. « Eh, eh !» me cria Mathieu. « Comment ça va ?»« Admirablement » criai-je en le regardant en face avec des yeux vitreux. Chapitre 32. Le troisième jour, vers le soir, nous atteignîmes de nouveau l'île. Yann me regarda significativement quand nous descendîmes à terre. « Écoute, Yann, lui dis-je, en lui mettant la main sur l'épaule. Il faut ôter cette idée de la tête. Je ne pars pas. Je partirai quand il me plaira. »« Alors, tu ne pars pas. Demain, le commissionnaire va à la côte. » « Non. » Yann courba la nuque. « Tu es un homme mort, » dit-il après un moment. Il dit cela tout bas. « Ah, Yann, tu vas bien devenir plus raisonnable, je te connais bien. Bonne nuit. » Yann s'en alla sans me regarder, sans un salut.